d'être aussi long que des années. Charger un mur bardé d'épines, attendre une vague démesurée. Au loin on sent et presque on voit le sol qui trépigne de trembler. L'air se charge d'une aura qui ne demande qu'à s'exprimer. Elle le voit, elle est si haut qu'elle oublie qu'il la voit aussi. Ils savent qu'ils n'ont besoin de mots, que pour eux maintenant tout est détruit. Les pierres voleront en éclats, la vie de tous sera précaire. Ils aimeraient se toucher de là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est la guerre. Elle rejoindra la terre, abandonner tout point de fuite.